Bon mardi à tous et à toutes. Bienvenue à cette nouvelle édition de l'Aérospatiale, ici sur les ondes de CKRL 89.1. Raymond Poirier avec vous jusqu'à 18h30 à la barre de ce magazine consacré aux arts visuels. On portera d'ailleurs plusieurs regards sur différentes activités, différentes expositions qui sont présentement en cours à Québec. Je dis activité parce qu'en deuxième partie d'émission, on portera un regard sur le salon Nouveau Genre 8. Alors, une expo-vente, pourrait-on dire, ou une vente tout court, donc qui aura lieu au sous-sol de l'église Saint-Jean-Baptiste. À chaque année, on y fait des trouvailles quand même assez sympathiques. Je dois avouer, je suis un fidèle de l'événement. Et donc, on recevra le coordonnateur de tout ça, Olivier Bérard-Vidal, pour nous en parler et aussi pour nous amener justement à la découverte de certains de ces artistes liés aux fanzines, à l'illustration, aux métiers d'art et autres qui y présenteront leurs travaux. Également, de passage, on aura Christian Messier qui viendra nous parler de son exposition Les Illuminés à la galerie Morgan Bridge, des portraits de Hitler, de Kurt Cobain, de Moïse Thériault, de John F. Kennedy et autres. Alors, quand même assez particulier comme série. Tous les détails avec lui tout à l'heure. Côté chronique, il y aura Anouk Desloges qui sera de passage pour nous parler de l'exposition qui est présentement en cours à la Chambre Blanche. Et également, au bout du fil, on est en compagnie de Simon Roy. Bonjour. Bonsoir, Raymond. Ça va bien? Oui, ça va. J'ai eu des petits pépins informatiques, donc je vais faire un peu de recyclage cette semaine, Raymond. Ben c'est bien, en fait, on est une émission verte. Ben oui, c'est ça. Donc, quand un album est bon, ben je pense qu'il faut le réécouter plusieurs fois, surtout pour ce que je présente aux auditeurs ce soir. C'est un duo qui vient de la Roumanie. C'est Macu Nucci Bento. Donc, qu'est-ce que c'est Macu Nucci Bento? C'est donc en japonais, c'est les petites boîtes à lunch, donc compartimentées. Puis ça décrit assez bien leur musique. Moi, ce que j'entends, les influences de fanfare des Balkans, orchestre classique, musique japonaise, ça peut faire penser à des films noirs aussi. Un album vraiment intriguant qui mérite vraiment d'être approfondi. C'est peut-être pas le format ce soir avec des extraits pour savourer pleinement l'album. J'invite les auditeurs à se rendre sur la page de l'Aérospatiale pour télécharger l'album puis vraiment l'approfondir. Je crois que c'est un de mes albums de l'année facilement. Et oui, ben en fait, c'est bon que tu le rappelles, Simon, parce que tout ce que tu nous proposes semaine après semaine, on le répertorie sur l'aérospatiale.wordpress.com et de B, tout est disponible également en téléchargement gratuit. Alors, on en donne un avant-goût ici, mais vraiment, si tu les as choisis, c'est aussi pour inciter les gens à aller les approfondir. Oui, c'est ça. Je tends une petite carotte aux auditeurs. Faut vraiment approfondir cet album-là. C'est vraiment génial. C'est publié sur l'étiquette montréalaise Camomille Music. Alors, ben Simon, merci beaucoup. Et je rappelle aux auditeurs qu'on peut t'écouter également en restant dans la sphère gratuite, mais dans d'autres axes que l'art audio, les dimanches soirs à 21h avec Web Music. C'est ça, exactement. Ben merci. À la semaine prochaine. Merci. Et nous, ben, on écoute un premier extrait donc de cet album Rainbow proposé par Simon Roy. L'extrait s'appelle Yuki Onna. Et voilà, donc une petite carotte tendue par Simon Roy, Yuki Onna de Makanuchi Bento. On en écoutera d'ailleurs d'autres extraits au fil de cette édition de l'Aérospatiale. Raymond Poirier toujours avec vous en remplacement de Julie Gagné et toujours accompagné de Jacques Gignac à la mise en onde. Quelques éléments liés à l'actualité en art visuel, notamment, on a parlé un peu des nominés, des appelés, des finalistes à ces prix des arts et de la culture de la ville de Québec. Et bien, la semaine dernière, les gagnants, les lauréats ont été dévoilés. Donc, les trois lauréats en art visuel, tout d'abord, relève en art visuel. Et bien, le prix a été remis à Peyot et Lissieri pour son exposition Le Monument, qui était présenté en novembre de l'an dernier à la Galerie des arts visuels de l'Université Laval, donc une série de tableaux inédits de grande dimension, images figuratives, éléments colorés et abstraits. Par ailleurs, Videré Création en art visuel a été remis à Virginie Mercure pour son exposition XYZ qui était présentée également en novembre de l'année dernière à Regard à Lévis. Donc l'artiste qui, selon le jury, a fait preuve d'une grande liberté dans sa pratique picturale. Le jury qui a été touché par la finesse esthétique, la singularité des tableaux présentés et la justesse de la présentation globale. Et enfin, Videré Reconnaissance en art visuel a été remis à Bill Vincent, un artiste qui s'investit en création depuis plus de 35 ans, qui fait incontestablement partie du paysage culturel de la ville de Québec. Il est l'un des premiers d'ailleurs à s'être impliqué et illustré auprès du Centre d'artistes Engramme, alors qu'il était appelé l'Atelier de réalisation graphique de Québec. Alors évidemment, l'équipe de l'Aérospatiale le salue et félicite ses lauréats. Et si on reste dans les concours, mais on fait le saut, tiens, du côté canadien en général, il y a eu la Fondation de l'art canadien qui a annoncé le 14e prix concours annuel de peinture canadienne. Ça a été remis à Vanessa Maltès. Donc, une artiste qui travaille en art visuel, évidemment, des formes diversifiées, concrètes et abstraites. C'est pour une exposition qui s'appelle Bala Clava, qui s'est démarquée, selon le jury, par sa fusion de divers événements, profondeur, surface, motif, illustration, matière et sujet, pour créer, je cite, une composition dynamique et hautement ciblée. Et sinon, autre concours qui est toujours assez attendu, c'est les prix Turner. Et cette année, le prix a été remis à Elizabeth Price. Elizabeth Price, qui est une vidéaste et musicienne basée à Londres, elle avait fondé le groupe Talula Gauche dans les années 80. Elle a été reconnue pour ses installations vidéo jugées séduisantes, alliant texte et musique. Alors voilà pour les prix. On fait une petite parenthèse là-dessus. Il y en aura sûrement d'autres parce que la fin de l'année est propice aux reconnaissances diverses. Et on fait le saut. En fait, je suis tombé sur un article du Figaro que j'ai trouvé bien intéressant. Le lien d'ailleurs sera sur le blog de l'aérospatiale, l'aérospatiale.wordpress.com. Et donc on disait en fait qu'il y a de plus en plus, en France du moins, peut-être ailleurs, de documentaires qui portent sur l'art contemporain et sur des artistes contemporains. Alors on se pose la question, on se demande pourquoi est-ce que ce regain d'intérêt? Est-ce que ce sont des films qui sont rentables? Est-ce qu'on recherche la rentabilité? Ben, au niveau économique, ce qu'on dit, c'est que versus une exposition, reste que le film a une durée de vie qui est beaucoup plus longue, qui peut faire des festivals et autres, qui peut être diffusé plus largement, donc ça devient intéressant comme valeur ajoutée à offrir à une exposition. Et parallèlement, ce qu'on dit également, c'est que la dynamique des démarches et de l'impact peut être bien explorée aussi et bien vulgarisée à l'intérieur de documentaires, donc ce qui les rend de plus en plus séduisant pour les créateurs autant que pour les cinéastes eux-mêmes qui sont eux aussi des créateurs, on s'entend. Alors, article intéressant et dernier petit clin d'œil, on parle d'un nouveau Louvre qui a été inauguré en France. En fait, ça fait probablement à peu près une dizaine d'années que c'est discuté. C'était en construction, toute évidence, ça a été inauguré hier par le président français François Hollande. L'ouverture au public va se faire le 12 décembre. Donc, si vous allez à Lens, vous allez pouvoir voir ce nouveau Louvre. Donc, l'idée était d'offrir un autre pôle de mise en valeur des collections du Louvre dans un contexte qui ne cherche pas nécessairement de cohérence entre les expositions. Donc, il n'y a pas de grande direction artistique. Ce qu'on invite le public à faire, c'est à jouer à saute-mouton par-dessus les différents chefs-d'œuvre, ni plus ni moins. Donc, est-ce que c'est une bonne idée pour amener les gens vers l'art? Est-ce qu'on aurait dû avoir des organisations peut-être un peu plus centrées avec une certaine variété? On l'a question question peut se poser. Dans l'article que j'ai retenu, celui de Libération, on décrit quand même assez bien, donc, justement, l'organisation de ce musée-là. Et donc, une invitation publique de venir découvrir des incontournables, au bout du compte, de l'art visuel au fil des époques. Et peut-être de s'intéresser à autre chose que ces incontournables, à d'autres démarches et d'autres productions. Alors, voilà pour cette revue de presse. Et on repart maintenant en pause audio. Un autre extrait de cette suggestion de Simon Roy, Makunouchi Bento. On écoute Ame Ona. Et maintenant, à l'aérospatiale, on vous entraîne sur la rue du Pont vers la galerie Morgan Bridge, où est présentée jusqu'au 23 décembre prochain l'exposition Les Illuminés, une exposition d'œuvres, une série de peintures de Christian Messier, qui est avec nous pour nous en parler. Christian Messier, bonjour. Bonjour. Alors, en fait, ce qu'on retrouve à Morgan Bridge, c'est des portraits de tueurs, de dictateurs, de chefs de secte, c'est des portraits d'artistes, de musiciens, de révolutionnaires. C'est des portraits, donc, d'illuminés. Si on avait à expliquer, justement, ce terme-là pour vous, donc, qu'est-ce que c'est, illuminé? Illuminé, c'est... En fait, j'ai nommé ça parce que tous ces personnages-là, en fait, c'est des gens qui se sont donné une espèce de mission, une mission, en fait, qui a fait que des gens les ont suivis, puis ces gens-là, finalement, ont drôlement bien réussi. Leur côté charismatique a été très fort, et puis c'est à ça que je m'intéressais. Et le côté charismatique, j'imagine, quand on décide justement d'axer une œuvre en cherchant à représenter ou à faire ressentir peut-être au spectateur le charisme, ça devient un défi particulier justement de réussir par le trait, par la peinture, par le choix de la composition à justement faire ressortir ce côté-là. Ben c'est pas nécessairement le charisme finalement qui est ressorti de tout ça. C'est seulement en fait c'est les sujets, c'est un prétexte. Mm-hmm. C'est devenu des œuvres qu'on peut regarder autrement, en fait. La plupart des tableaux sont très généreux en texture, en couleur, puis finalement ça devient de la peinture. On s'éloigne quasiment, on les reconnaît, mais on s'éloigne quasiment de la représentation. Ils nous font pas nécessairement penser à ce que ces gens-là ont fait, mais ils deviennent quasiment indépendants de leur histoire. Oui, ça me fait penser à quelque chose qu'on peut voir dans votre démarche où vous disiez notamment chercher à mettre de l'avant l'impression plutôt que l'information. Oui, plutôt l'expérience ou je dis ça, l'impression, mais c'est plutôt disons l'expérience de ce qui se passe dans le tableau, de l'expression du visage, parce que là c'est seulement des visages, mais ça pourrait être de la posture aussi, tu sais, qu'est-ce que ces formes-là dégagent comme expérience, et non OK, cette personne-là a fait ça dans sa vie puis a tué tant de monde. C'est pas vraiment à ça que je m'intéresse, quoi, que c'est toutes des histoires vraiment fascinantes, mais les histoires, c'est eux les auteurs. Moi, je suis l'auteur de ces œuvres-là. Donc, c'est dans cette optique-là que j'ai travaillé. Et donc, les portraits vraiment envisagés, pas nécessairement individuellement, mais enfin individuellement, mais aussi comme série. Donc, c'est dès le départ que l'idée justement de représenter une suite de personnages comme ça. Ben, j'ai commencé avec. En fait, je me suis beaucoup intéressé à Rasputin, puis à Hitler aussi. En fait, c'est que j'ai appliqué un projet de l'organisme Freddy Culture qui était à propos de l'extase. Mm-hmm. En fait, j'ai appliqué en peinture, puis j'ai fait une performance à la place, mais l'idée d'extase m'intéressait, hein, parce que l'extase, ça signifie l'étymologie du mot signifie être en dehors de soi. Puis j'aimais beaucoup je m'intéressais aux orateurs, particulièrement à Hitler, tu sais, qui fait son discours puis qui est quasiment lui-même projeté en avant de lui. Qui dégage quelque chose que tous ces gens-là ont suivi. Donc l'idée est partie un peu de ça. J'ai commencé avec des portraits particulièrement de Rasputin, qui est très bizarre comme personnage, qui a réussi à convaincre des gens lui aussi. Puis donc ce petit côté-là tordu m'intéressait beaucoup. Puis à un moment donné, la série a pris forme, puis là tout le reste a découlé. Et j'aime bien, en fait, quand vous dites justement, on les voit en vrai, c'est des gens qui ont énormément de présence. J'ai presque envie de faire le pont. Vous me parlez de performance. Vous êtes connu aussi pour vos activités justement dans ce domaine-là, dans ce pan-là des arts visuels. Il y a cette idée de performance aussi dans un discours d'Hitler, dans un spectacle de Kurt Cobain, dans un discours, une action d'un révolutionnaire. Donc il y a la présence qui est importante aussi là-dedans. Ah oui, évidemment, c'est mon intérêt, principalement pour les orateurs, c'est un intérêt en tant que performeur, puis je rêvais depuis longtemps de m'en servir, de tendre vers ça, mais j'y suis jamais arrivé, j'ai jamais réussi à l'adapter à la performance. Finalement, c'est avec la peinture que ça a pris forme. Et d'ailleurs, je me permets une parenthèse. En fait, vous avez intégré parmi vos illuminés Joseph. Ben là, j'ai raté ma prononciation, mais bref. Joseph Beuys. Oui, voilà, qui est assez connu dans la sphère de la performance. Est-ce que c'est pour une citation? Est-ce que c'est une de vos influences? Ça a été une influence au début, ouais, beaucoup, particulièrement la performance où il y a apprivoisé un coyote sauvage. Ça a été quelque chose de très marquant dans ma vie. Mais cet artiste-là aussi a eu plusieurs adeptes, là. C'est quelqu'un qui est presque un gourou, là. J'ai vu en vidéo de ses performances. En général, la vidéo éteint la présence en performance, mais lui, il l'avait encore, tu sais. C'est quelqu'un de très influent, puis qui a marqué l'Allemagne, en fait. Donc c'est pour ça, puis c'est un des plus réussis aussi, selon moi. C'est pour ça que je l'ai intégré à tout ça. Et en même temps, j'imagine que... je me demandais, ça peut surprendre, ça peut étonner, ça peut provoquer aussi, justement, de mettre côte à côte des portraits d'Hitler, de Joseph Beuys, de Charles Manson, de Gandhi, de Luther King. J'imagine qu'il y a un choix aussi de les représenter un peu d'égal à égal, ces visages-là. Ben c'est évidemment, on a tendance à qualifier les choses par bon et méchant, mais je pense que tous ces personnages-là ont eu la même impulsion, pas la même intention, mais la même impulsion. Il y a aussi Jésus, j'ai fait un portrait de Jésus dans la série, sauf que là je l'ai pas mis parce que je l'ai vendu, mais ça, ces gens-là avaient la même impulsion, puis peut-être même la même intention. Je crois que, tu sais, même quelqu'un comme Hitler avait des bonnes intentions pour son peuple. C'est juste que ça virait en totale catastrophe. Puis aujourd'hui, on peut plus dire ça. Mais je sais pas. C'était clair que je voulais pas faire une série sur des méchants. Puis j'aime le petit côté tordu, justement, de mélanger ces gens-là qu'on associe comme bien ou mal. C'est juste pour créer, peut-être, je sais pas nécessairement pour choquer, mais pour créer des questionnements. Parce que c'est ça, le dénominateur commun, c'est carrément le charisme. Mm-hmm. Oui, ben en fait, comment ça a viré. C'est clair que si vous aviez mis seulement des portraits de méchants, comme vous dites, on aurait dit, il a fait une série, les illuminés, c'est des méchants, c'est des fous. Là, ça nous force à aller peut-être un peu plus loin dans la définition, dans la compréhension de ce que vous cherchez à mettre de l'avant à travers cette série-là. Oui, puis, tu sais, même ceux qu'on associe comme étant, disons, les bons, il y a quand même une espèce de violence dans ces impulsions-là, tu sais. Mm-hmm. Jésus, ça a été quelqu'un qui a bouleversé complètement le monde. Puis il est passé par la torture, puis par la mort, tu sais. Il y a quelque chose de très violent dans tout ça, puis dans le fait de convaincre des gens autour d'une idée, tu sais, puis d'être certain que cette idée-là, c'est la bonne. Peu importe l'opinion qu'on s'en fait, il y a quand même quelque chose de très fascinant. Hein. Puis, je sais pas, c'est... En fait, tous ces personnages-là sont rassemblés autour de ça. Et qu'est-ce qui vous a amené aussi à les exploiter à travers le band painting, comme vous le mentionnez, vous vous associez à cette tangente-là aussi au travers de cette série-là et d'autres séries. Donc, qu'est-ce qui vous attire à travers cette approche-là au niveau de la peinture pour représenter des personnages comme les Illuminés? C'est pas nécessairement dans cette représentation-là, c'est que... qu'on associe au bad painting, c'est plutôt une peinture qui n'est pas si minutieuse, mm-hmm. mais le mot est mal employé. C'est une peinture qui, en général, met beaucoup l'emphase sur le médium, sur une représentation qui n'est pas nécessairement très fidèle, mais qui... ça pourrait être associé à l'expressionnisme peut-être, mm-hmm. ou tu sais, c'est de la peinture qui est méchante aussi, qui est pas que c'est pas d'être gentil, que c'est pas d'être décorative, que c'est pas d'être léché, d'être soigné. Donc je sais pas jusqu'à quel point on peut associer ça à ça, mais j'ai toujours eu un petit côté méchant, en fait, dans ma tête. Et ça nous renvoie un peu à l'idée de vecteur de présence plus que de portrait fidèle, donc au jeu que vous décriviez tout à l'heure par rapport à l'impression que vous vouliez qu'on reçoive de cette série de portraits-là. Ouais, ben je veux que ta peinture aussi ait sa présence, parce mm-hmm. que, en fait, c'est ça, c'est le tableau qui est présent. Donc, je veux jouer là-dessus, c'est sûr. Et vous l'avez mentionné tout à l'heure, Christian Messier, on observe quand même pas mal d'empattement au fil des œuvres. On vient ajouter de l'épaisseur, de la texture à tout ça. Donc, pourquoi vous avez opté pour cette technique-là? J'ai eu quelques influences, c'est sûr. Je pense qu'il y a une artiste qui s'appelle Alison Chulnick qui travaille beaucoup en épaisseur, qui fait... des clowns ou des espèces de scènes assez étranges, puis un autre artiste canadien qui s'appelle Kim Dorland. T'sais. Ces deux artistes-là m'ont beaucoup influencé, entre autres pour cette façon de faire-là. Mais sinon, ça fait quelques années là que je travaille dans ce sens-là. C'est un travail qui est intéressant, qui est très difficile, en fait, parce que c'est des gestes demande une grande précision, même si ça n'a pas l'air de ça. C'est des gestes qui sont faits du premier coup. Puis souvent, ça ne fonctionne pas. Donc, il faut effacer, refaire, jusqu'à temps que le tableau fonctionne. Puis, j'aime ce côté-là vraiment risqué. Il y a des fois que ça ne fonctionne pas. T'sais, je retourne chez nous, puis je sais que c'est une catastrophe. Donc, c'est différent que d'essayer d'être minutieux, puis d'être maniaque, puis d'essayer de faire de quoi de super clean. Un côté performatif à l'acte de peindre, à l'acte de création, même dans son atelier, dans le fond. Ben, je sais pas si je dirais ça, mais j'aime, parce qu'en peinture, en tout cas dans ce type de peinture-là, on prévoit des interventions, on prévoit des effets, et puis quand on arrive pour le faire, c'est tout le temps totalement différent. Donc, on peut pas prévoir l'effet exact qu'une couleur va avoir sur un tableau, ce qu'une intervention va avoir. C'est à chaque fois, c'est ça, c'est vraiment un thrill, puis c'est vraiment... Puis à un moment donné, tu fais le bon geste, puis tout fusionne, tout fonctionne, puis je sais pas, j'aime beaucoup cette façon de travailler là. J'ai développé quelque chose autour de ça, puis c'est juste vraiment le fun à faire. Et la série au niveau couleur, justement, ça me semble être une palette à somme toute restreinte au-delà de la peau. Il y a des verts, il y a des mauves, il y a du noir, il y a du blanc, mais c'est il y a une unicité aussi dans la zone de couleur que vous avez sélectionnée. Ouais, ben ça c'est que j'ai un ami qui m'a donné une caisse de peinture. Un bel hasard. Ben j'ai découvert le orange fluo pour faire des couleurs peau qui est vraiment super. Mais il y a quand même beaucoup de variantes d'un tableau à l'autre. C'est juste que ma base est la même, mais en même temps chaque tableau est quand même très différent, même s'il y a quelque chose qui les rejoint toutes. Même mes techniques ont changé. Si on regarde le tableau de Charles Manson, qui est un des premiers qui a été réalisé avec celui de Jésus, mais bon, Jésus n'est pas là, mais disons celui de Joseph Beuys, la technique est complètement différente. Mais les couleurs sont différentes aussi, mais il y a peut-être plus des liens, mais c'est ça, c'est juste une façon de travailler qui est à la fois un peu aléatoire. C'est un mélange de plein de choses, en fait. Et donc, c'est ce mélange-là qu'on invite les gens à aller découvrir au bout du compte, ce côté d'impression, de présence, de ces personnages-là, donc on peut découvrir à la galerie Morgan Bridge. C'est jusqu'au 23 décembre, donc sur la rue du Pont. Et avant de vous laisser, Christian Messier, petite question très naïve, mais je me la suis demandé, c'est côté placement, est-ce que les choses ont été faites un peu au hasard ou on a été de manière assez organisée, parce que certaines des œuvres qui sont du côté boutique, il y en a d'autres qui sont au sol, il y en a d'autres, la plupart sont au mur. Est-ce que... Sur la disposition, ben non, ça a été très pensé. En fait, au début, j'ai fait une sélection pour dans la galerie, puis finalement, il s'est retrouvé que c'est Alexandre, le propriétaire de la galerie, qui m'a demandé si je voulais laisser les autres apparentes dans la vitrine. Ça fait que, bon, OK, tu sais, tant qu'à les avoir ramenés. Puis il y a des tableaux que j'aime bien aussi, que j'ai pas pu mettre sur les murs. Mais non, c'est très réfléchi tout ça, là, c'est pas aléatoire. Alors, ben, Christian Messier, merci beaucoup. Ça me fait plaisir. Et au plaisir. Oui. Alors ben voilà, donc je le rappelle, Les Illuminés jusqu'au 23 décembre chez Morgan Bridge. On prend une courte pause à venir. Anouk Desloges qui nous parle de la Chambre Blanche et une entrevue avec Olivier Bérère-Vidal. CKRL 89.1 Québec. Bienvenue au bulletin nouvelle du 4 octobre 1957. L'écrivain et scientifique Isaac Asimov prévoit l'ouverture d'une brasserie coopérative de travail dans le quartier Saint-Roch à Québec autour de l'année 1997. À l'étranger maintenant, c'est le début de la conquête spatiale avec le lancement de Spoutnik 1. Un reportage de Michel Marcoux en direct de Baïkonour. Le lancement de Spoutnik... Merci Michel. Nous vous avons présenté le Radio-Journal. Bonsoir. La Barberie à 15 ans, maintenant. Un spectacle unique en son genre. De l'improvisation théâtrale avec un allié de taille, le dessin. C'est l'Impro BD. À la Ligue québécoise d'Impro BD, auteurs de bandes dessinées et comédiens s'unissent pour offrir une soirée haute en couleurs. Prochaine rencontre le 16 décembre, 20h. Entrée libre, contribution volontaire. Initié par le Festival de la bande dessinée francophone de Québec, les soirées de la Ligue québécoise d'Impro BD sont présentées en partenariat avec le Cercle et CKRL. Dessin, jeux, musique, un événement hors du commun. Un abonnement au Musée de la civilisation, un cadeau original à s'offrir ou à offrir. Abonnez-vous d'ici le 31 décembre et courez la chance de gagner de fabuleux prix d'une valeur de 1 000 $. Déjà abonné? Vous êtes également éligible. Le Musée de la civilisation, un lieu d'émerveillement et une programmation colossale. Du Japon au Nigeria, de la culture maori à celle du Québec, une expérience immersive dans l'histoire des jeux vidéo et des objets de collection exceptionnels. Pour connaître tous les privilèges de vous abonner au Musée de la civilisation ainsi que tous les détails du concours, rendez-vous au mcq.org. /abonnement. Pantoute fête 40 ans de lecture passionnante. Découvrez notre album anniversaire qui présente 335 livres qui nous ont marqués dans tous les genres littéraires. Cette publication gratuite est disponible dans nos deux librairies. Profitez de votre visite pour participer à nos tirages hebdomadaires et pour obtenir votre cadeau, un premier achat de 40 $ sera inscrit sur votre nouvelle carte de fidélité électronique. Une façon de vous remercier d'être avec nous depuis 40 ans. Tout juste avant 100% Dynamite, le week-end s'amorce de belle façon dès 18h30 les vendredis avec Jean-Sébastien Grondin et son émission Soul Finger. Ça groove à CKRL 89.1. Cette soirée vous est présentée grâce à la participation du Bal du Lézard. Le Bal du Lézard, 1049 3e Avenue à Limoilou. Le Bal, 26 ans de Limoilou libre. Lebaldulezard.com. Vous êtes toujours à l'écoute de l'aérospatiale. Raymond Paré au micro, Jacques Gignac à la mise en onde avec vous jusqu'à 18h30. Et si vous voulez en savoir plus, ben, sur l'aérospatiale, suivre nos menus et autres, ben, on est sur Facebook, facebook.com/l'aérospatiale, tout simplement. Et maintenant, ben, on accueille parmi nous notre collaboratrice Anouk Desloges. Bonjour. Bonsoir à tous. Ça va? Ça va très, très bien, toi? Ça va très bien. Et Anouk, cette semaine, tu nous amènes à la Chambre Blanche. Exactement. Je suis allée voir un artiste mexicain, Miguel Monroy. Et puis, nous présente Box de Sombra. Je sors vraiment mon accent espagnol. Mais avant de parler du projet à la Chambre Blanche, c'est vraiment impératif qu'on parle de ses travaux antérieurs pour comprendre davantage son travail. Ça, il y a un bon côté conceptuel à ce qu'il fait, là, ça. Oui, oui, oui, vraiment, là, oui. Donc, c'est un artiste très prolifique, il y a beaucoup, beaucoup de vidéos, beaucoup d'actions qu'il a fait. J'en ai noté quelques-uns. Donc, un qui s'appelle 45 balles de tennis. Comment ça fonctionne? C'est qu'il y a un projecteur automatique qui projette des balles sur un coin de mur, qui revole sur l'autre mur, qui retombe dans un filet, qui retombe dans le projecteur, et ainsi de suite, et c'est une projection de balles à l'infini. Donc ça, c'en est un. On voit aussi un immense bloc Lego fait avec des blocs Lego. Aussi un autre projet qui était un enregistrement en boucle de Miguel qui fait comme chut, qui fait ce bruit-là. Et puis dans la salle, ça fait chut, puis un jour, ça finit par briser et ça casse, puis ça fait du bruit. Il y a aussi un tapis roulant avec une trottinette qui roule dessus, avec lui dessus, il se filme en train de rouler sur sa trottinette. Il y a une horloge qui tourne sur elle-même, elle fonctionne, mais à place que ça soit l'aiguille qui tourne, c'est l'horloge. Donc, l'aiguille de la seconde reste toujours, des secondes reste toujours en haut. Quand même. Et puis, un autre projet que j'ai particulièrement apprécié, ça se passe au musée Anahuacalli. C'est une collection d'art préhispanique. En fait, il travaille avec une capture d'énergie solaire qui est à l'extérieur pour capturer l'énergie solaire, pour projeter à l'intérieur du musée le plafond qui est normalement toujours dans la pénombre. Et ce qu'on voit dans ce plafond-là, c'est une représentation aztèque du dieu soleil. Donc, c'est très intéressant à quel point il prend l'énergie solaire pour allumer le dieu soleil. Donc, c'est vraiment son travail est rempli d'humour. C'est une simplicité très futée, je vous dirais, très, très simple, mais futée. Il dénote aussi de l'ingéniosité. Il y a toujours une pointe d'absurde. Donc, on retrouve sculpture, installation, vidéo, photo, puis d'autres formats. Et puis, Puis, est-ce que tout ça, justement, c'est annonciateur de ce qu'on retrouve à Québec? Est-ce que c'est un peu dans cette tangente-là? Ou? Oui, exactement. En fait, comment on va décrire l'exposition ou son travail, on va dire qu'il va prendre un objet du quotidien, un objet banal, et puis il va explorer sa fonction, il va transformer sa fonction pour le mettre dans un autre contexte, et puis la fonction est tellement transformée qu'on utilise l'objet non pas par le sens que la société lui donne, par sa fonction primale, mais sa fonction est transformée à sa libération, comme si le fait que sa fonction n'existait plus, c'était un objet libre. OK. Dans le fond, l'idée étant que l'objet est limité et défini par sa fonction. Oui. Alors, si on enlève sa fonction, ben l'objet en tant que tel, l'objet matériel est plus défini par ce qu'il fait, mais plutôt par l'état dans lequel il se trouve au moment où on le voit. C'est exactement ça. Donc, à la Chambre Blanche, l'exposition s'appelle Box de Sombra. Box, je croyais que c'était, ça réfère aussi à l'anglais comme la boîte. Sombra, c'est une ombre en espagnol, de l'ombre. Et puis, box, c'est aussi comme un compartiment cloisonné. C'est comme une salle commune. Donc, dans la Chambre Blanche, il y a la salle, et puis il y a 4 projecteurs qui est utilisé pour éclairer le mur. Il se passe rien, sauf qu'il y a une ombre qui est projetée, qui est l'ombre du projecteur, parce qu'ils s'éclairent l'un et l'autre. Donc, on voit arriver quelqu'un qui avance, et puis qui se penche, puis qui joue avec un semblant de projecteur qui est en fait l'ombre du projecteur, et puis il s'en va avec le projecteur, il revient, et puis de mur à mur, la personne prend le projecteur, qui est en fait ou l'ombre du vrai projecteur, jusqu'à ce qu'il sorte d'une porte, et puis là, on comprend que les personnes sont vraiment dans la salle, c'est une mise en abîme, c'est une image de la salle qui est projetée dans la salle. Et puis, ce qui est intéressant aussi, il y a quelque chose, je trouvais qu'il faisait le lien entre la réalité puis le fictif. En fait, il y a quelque chose, c'est une mise en abîme, mais le seul lien qui est entre les deux, c'est l'ombre qui fait que... On se comprend, non? Oui. Oui. L'ombre puis le lieu, donc dans le fond, le fait de projeter dans le lieu une action qui s'est passée antérieurement, on joue avec la temporalité, on joue avec la physicalité. Exactement. On joue avec l'instant présent, on joue... En fait, on joue avec aucune histoire, oui. Il n'y a ni début ni fin, c'est quelque chose qui se répète sans cesse. C'est aussi quelque chose qui est vraiment très, très répétitif, récurrent dans son travail. Et puis, j'en suis venue à lire un texte sur son travail d'une personne qui s'appelle David Miranda, qui fait une conception philosophique, justement, sur l'éternel. Il dit que c'est une histoire en boucle, qui n'a ni début ni fin. Cette répétition-là empêche le progrès et du travail et de l'homme. C'est une stagnation des comportements, des pensées, des opinions, des croyances et puis tout ça. Et puis, ce qu'on dit aussi, c'est que tout retourne et revient éternellement sans que personne ou rien s'échappe. Mm-hmm. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que le mois passé, quand j'ai parlé de ma chronique, j'ai parlé de Élisabeth Picard. Et puis, elle aussi, c'était la même chose. C'était l'éternel qui recommençait sans cesse. Sauf que elle, c'était effet boule de neige. Les choses grandissaient. Il y avait une mutation dans son travail parce que les choses s'accumulaient, mais ça finissait plus. Tandis que lui, ça reste au même. Et puis, c'est plus comme un cycle, une chose après l'autre. Et un éternel recommencement, un peu comme le cycle de la vie, le cycle de Sisyphe. On monte tous avec notre roche, puis on redescend. Le lendemain, on recommence. On mange pour travailler. On travaille pour manger, oui, etc., etc. Exactement, sans jamais savoir quand le début puis la fin. Et puis, ce que j'ai trouvé ça super cocasse, c'est que dans les deux, il parlait d'un symbole grec, pardonnez mon grec et mon accent, Ouroboros. Et en fait, c'est un serpent ou un dragon qui se mord la queue. Les deux, ils décrivaient leur travail comme cet animal-là, ce symbole grec de l'éternel. Donc, voici. il y a un pont, il y a une ligne de pensée comme quoi ça préoccupe un peu les artistes d'ici d'ailleurs, c'est cette idée-là justement de répétition de sens. Au bout du compte, c'est une quête de sens à la limite et de l'absurde de l'existence. Oui, ou la perte de sens, la libération. On parle de libération de l'objet, de sa fonction, puis nous, en tant que public aussi, on peut être libre de voir autre chose qu'une horloge, qu'une ombre. Ou libre de voir autre chose dans notre visite aussi, cette exposition-là, pourquoi pas. Exactement. C'est très, très, très large. Oui, en fait, j'ai comme l'impression que c'est une exposition qui est là, surtout peut-être pour ouvrir des questionnements. En fait, c'est une expérience qui doit être discutée, le genre de truc où on va prendre un café après pour la comprendre, l'analyser, la ressentir peut-être un peu plus. Bien, je crois que Miguel Monroy, c'est vraiment son travail au grand complet qui a un sens. Quand on voit les œuvres une après les autres, là, on se dit qu'est-ce qui va nous sortir après ça. J'ai vraiment l'impression que plusieurs œuvres de lui nous mèneraient plus à comprendre, parce que justement, c'est très... J'ai trouvé en lisant que c'est très conceptuel, là, justement, quand on parle des concepts philosophiques. Mais dans sa démarche, c'est extrêmement pertinent. Alors, ça, c'est à la Chambre Blanche encore pour quelques jours, pour quelques temps, je pense. Oui, ça vient toujours de commencer 29 novembre au 16 décembre. Et puis, la Chambre Blanche, pour nous situer, 185 Christophe Colomb Est. Et à ça, le complément Internet qui est le site de Miguel Monroy, qui est un must, là, avant ou après. Exactement, oui. Anouk Desloges, merci beaucoup. Merci beaucoup à vous. Et on se dit en 2013. Parfait, ben oui, absolument. À l'année prochaine, on est déjà rendu là. Ça n'a pas de bon sens. Et nous, on repart avec une autre suggestion audio de Simon Roy, donc toujours tiré de cet album Rainbow de Makunouchi Bento, qui est disponible sur l'étiquette Camomille Music. L'extrait qu'on écoute, c'est Bake Kujira. Les 8 et 9 décembre prochains à l'église Saint-Jean-Baptiste, c'est le retour du salon Nouveau Genre. Quelques semaines, quelques jours avant le temps des fêtes, je disais en introduction que j'étais vendu à cet événement qui réunit plus de 120 créateurs de la relève en métier d'art, en art visuel, en édition, en mode, en design, en musique. Alors, on parle de céramistes, joailliers, ébénistes, créateurs de vêtements, designers, illustrateurs, auteurs, musiciens, sculpteurs. Donc, bref, un bel éventail d'une nouvelle production et de nouveaux créateurs de Québec et du Québec. Et pour nous en parler du salon et également de ceux qu'on y trouvera, eh bien, je suis en compagnie de son coordonnateur, Olivier Bérard-Vidal. Bonjour. Bonjour. Alors, d'emblée, d'ailleurs, on est quand même à la 8e édition. Peut-être si on fait un peu la genèse, qu'est-ce qui avait amené la mise en place d'un salon Nouveau Genre? Est-ce que s'il y avait un vide qu'on avait perçu à Québec en matière de diffusion? Ben les oui, un gros vide. La première édition a eu lieu en 2008. Il y avait à cette époque-là, il y avait à Québec le rendez-vous des publications parallèles, il y avait l'officiel pendant le Salon du Livre qui plus orienté vers les fanzines puis l'édition, mais il y avait pas d'événement disons dédié à la création aux créateurs de la relève. Alors on en a fait un, puis comme les gens ont voulu comme reparticiper, on dit bon, on va en faire un autre. Puis finalement, à chaque fois qu'on en a organisé un, on s'est dit bon, on en fait un, puis on verra après. Puis maintenant, on est rendu à la 8e édition, puis on planifie déjà la 9e parce que on sait qu'il y a une place pour ça à Québec. Il y a des pour cette édition là. Il y a environ 110-120 créateurs. On a reçu, je pense, plus de 150 dossiers. Donc, il y a une demande. Il y a vraiment une grosse demande. Il y a pas d'équivalent à Québec. Sinon, des fois, des plus petites initiatives comme à la JT ou à la Souche. Mais des salons comme un peu plus d'envergure comme ça, mais accessibles à des jeunes créateurs. Il n'y en a pas d'autres. Fait que, bon, je me suis dit, on va le faire encore un peu, puis on verra bien. Oui, parce qu'en même temps, ce vide-là, en dehors du Salon Nouveau Genre, existe quand même toujours un peu. Si on prend simplement le fanzine artistique ou comique, il y en a à l'œil de poisson, chez Philactère, Morgan Bridge, peut-être Première Issue, mais sinon, en dehors de quelques lieux qui en ont un peu, c'est pas quelque chose qui est facile à trouver en dehors d'événements spéciaux. Donc, il y a encore ce manque-là qui existe. Ben, c'est ça. Il y a d'autres événements qui existent, comme Plein Art ou d'autres salons d'artisans, mais étonnamment, c'est une chose que je ne m'explique pas, ils font pas d'efforts pour accommoder les plus jeunes créateurs dynamiques et talentueux de Québec. Fait que finalement, ces créateurs-là n'ont pas les moyens de louer un espace pour une semaine ou en tout cas, bon bref, ils le font pas. Un jour, ils vont peut-être le faire, puis ça sera tant mieux. Mais en attendant, ben il faut venir au Centre Nouveau Genre pour découvrir ces créateurs-là. Et même inversement, j'imagine qu'à la longue, il y a des attentes de la part des créateurs à des événements comme ça. Il y en a qui vont créer pour le salon ou en vue du salon, donne une échéance. Ben ça, c'est une chose que je trouve bien excitante. Il y a effectivement beaucoup de créateurs qui font une production spécifique pour le salon parce qu'ils savent qu'il y a beaucoup d'achalandage, puis c'est assez intéressant pour eux de produire spécifiquement pour ça. C'est des choses qui sont pas nécessairement... qui seront pas distribués nécessairement ailleurs ou qui vont être distribués peut-être comme juste à très petite échelle comme ça. Et pour se faire une idée, Olivier Bérard-Vidal, de ce qu'on va trouver justement au salon les 8 et 9 décembre, peut-être je vais vous lancer quelques noms. Puis vous pourrez nous présenter un peu qui sont-ils, que font-ils. Peut-être un premier, cartedesouhait.ca. Ça, j'imagine, c'est des cartes. Carte de souhait, c'est un progrès de. C'est un progrès. Un projet de Transistor Design de faire des cartes de souhait avec des illustrations d'artistes, de peintres ou de dessinateurs de Québec. Là, c'est un tout nouveau projet qui va être plus ou moins lancé au Salon Nouveau Genre. Il est en train de travailler là-dessus. Fait qu'il, je pense qu'il veut avoir peut-être comme un premier catalogue, peut-être comme une dizaine d'artistes différents avec quelques modèles de cartes chacun. Fait qu'il va pouvoir au salon tester un peu certains modèles, voir un peu ça, puis après ça, comme voir comment ça s'enligne, puis continuer. Donc, des séries de cartes d'artistes sélectionnés. Oui, c'est ça. Entre autres, notamment, jusqu'à maintenant, il y a Pascal Bonenfant, Pierre Girard, Patrick Beaulieu, Stéphane Noël, quelques autres. D'ailleurs, c'est des noms d'artistes qui vont être au Salon Nouveau Genre. Fait que moi, je trouve que c'est une super idée. C'est les cartes, il n'y a pas beaucoup de gens qui en font, des créateurs de Québec, puis c'est souvent des choses qui sont... Les cartes qu'on voit sont souvent très, très plates et très convenu. Il s'agit d'aller en pharmacie pour se rendre oui, compte. Oui, puis surtout en pharmacie, ben c'est un peu des monopoles de bon telle entreprise distribue dans telle pharmacie, fait que tout ce qu'on trouve c'est ces modèles-là de cette entreprise-là. Fait que moi j'aime ça qu'il y ait des alternatives. Fait que pour moi ce carte de souhait c'est un super projet parce que c'est ça que ça. Mais trouver des nouveaux modes de diffusion aux œuvres, faire aussi connaître les artistes d'ici, etc. par d'autres moyens. Puis tout le monde en a besoin de cartes, on s'entend. Aussi. Puis moi je m'en suis rendu compte aussi parce que quand Hugo m'a approché, je me disais je vais regarder ce que j'ai dans mes affaires parce que j'avais pas le temps de produire des nouvelles choses. Je me disais dans le fond j'ai déjà des choses qui servent pas nécessairement ou qui ont été exposées une fois. Puis, dans le fond moi je suis bien content qu'ils soient rediffusés à nouveau puis qui deviennent ce nouveau médium-là. Ouais. Deuxième nom, Caval. Caval, c'est deux créatrices qui fabriquent des manteaux d'hiver magnifiques. Je peux pas te dire où elles sont situées. Elles ne sont pas de Québec. Elles font les manteaux des très petites éditions à partir de couvertures militaires ou de sacs, de matériaux comme... Une mode recyclée, dans le fond. Fait qu'ils font des manteaux recyclés, des superbes coupes, des manteaux pour hommes et pour femmes. C'est pas pour tous les budgets, on s'entend, mais quelque chose, je pense qu'il faut voir, là, magnifique. Et un peu dans la lignée de ce qu'on voit, je pense à des créateurs comme Iquana, puis des tangentes, un peu comme ouais. ça, ou ouais, dans le même esprit? Oui, plus artisanal, dans la mesure où, tu sais, chaque manteau qu'ils produisent est numéroté, tu sais, c'est pas de la production industrielle, c'est comme de grande envergure, c'est comme du travail d'artisan précis et comme plus précieux. Joseph Barry, c'est un dessinateur et un BDiste de Montréal. Moi j'avais connu son travail il y a un certain temps. Il avait fait une bande dessinée sur Québécois que j'avais une mini bande dessinée sur Québécois qui avait publié comme sur internet qui était excellente, qui était inspirée par un reportage de je sais pas quelle émission de télévision sur Québécois. Puis c'est un ami de quelqu'un qui a déjà participé au salon, fait que c'est pour ça qu'il s'est intéressé au SNG puis qu'il va se déplacer pour nous montrer. Lui il fait beaucoup des fanzines. Dans quel style un peu, quel type d'ouvrage qui est? C'est beaucoup politique. Il y a un truc qu'il a publié récemment sur son site qui parle un peu comme de comme la consommation, la politique, les décisions, tu sais, comme ce genre de choses-là. Moi, ce que je connais de son travail, c'est surtout des choses comme engagées, comme radicales. J'ai hâte de voir ce qu'il fait d'autre. Je vais le voir au salon. Et Olivier, on reste un peu dans le fanzine avec Mathieu Place. Mathieu Place commence à être connu à Québec. Je sais pas ce qu'il va présenter. Ce que je sais, c'est que c'est des nouveaux fanzines. Moi, je suis un fan de Mathieu. Ça fait que j'ai juste vraiment hâte de voir ce qu'il va faire. À chaque fois, il nous surprend avec des choses vraiment bien intéressantes, là. Et dans d'autres registres, Émilie Proulx? Émilie Proulx fait de la broderie, de la couture, des objets cousus. Elle avait participé à un projet à Materia l'autre printemps. Fait que je sais pas ce qu'elle va présenter non plus, mais ça reste de la couture assez de la broderie, ouais. C'est un peu comme un mélange de dessin, de broderie, de couture. Donc c'est toujours intéressant de voir justement le mélange de techniques, mélange de matières aussi comme ouais. Ça. Et c'est ça, il y en a quand même pas mal qui s'y intéressent, j'ai l'impression. Oui, vraiment. Je t'en lance quelques autres rapidement. Tiens, OR. OR, c'est un collectif de deux personnes. C'est Mathieu Rau, Maxime Rau et Nadine Ouellette. Ils font des objets inspirés par l'enfance, les traditions. Ils ont fait un jeu de balles de neige crochetées, des masques, une écharpe style ceinture fléchée. Ce genre d'objets-là, un peu inspirés par le Québec ou par l'enfance ou par les souvenirs. Donc vraiment, on prend les traditions et on essaie de les réinventer sauce un peu plus... plus très, très contemporaine, oui, c'est ça. Et deux petits derniers, tiens, pour la route, Sophie P.A. Sophie P.A., c'est une illustratrice de Québec que je ne connaissais pas, qui a envoyé son dossier pour participer, qui a un style, moi, qui m'a tout accroché, qui est un peu naïf, un peu vintage, puis un peu... comme un peu daté, mais très actuel, que moi, je trouve vraiment fascinant. Daté années 60, années... Ouais, je pourrais pas te dire comme quelle époque, mais c'est quelque chose d'aujourd'hui que on sait pas trop si c'est aujourd'hui ou il y a longtemps, ou comme... Moi, je vous recommande de la chercher dans le salon pour la rencontrer puis voir son travail, vraiment. Et en terminant, Alexandra Desjardins. Alexandra Desjardins, c'est une illustratrice et une graphiste de Québec qui a fait le design du Salon Nouveau Genre 8, l'affiche, le carton d'invitation. Elle est pas très, très connue parce que... Il faut commencer quelque part. Moi, j'étais très content qu'elle s'occupe du design du SNG. On a eu énormément d'excellents commentaires sur son travail. Si ça peut servir à ce que des gens la découvrent, moi, je suis vraiment bien, bien content. Et si on avait à décrire un peu, justement? Elle avait présenté des mini-sculptures comme des mini-animaux. Elle fait aussi des cartes. Elle fait beaucoup d'illustrations. Elle est très, très talentueuse et prolifique. Venez la voir. Et en terminant, Olivier Bérard-Vidal, est-ce qu'on a l'impression que des événements comme le Salon Nouveau Genre, ça vient justement animer, stimuler, dynamiser le milieu de la création à Québec? Ben, je pense que oui. Je pense qu'il y a une place pour ça. Et moi, quand je me rends compte du nombre de dossiers qu'on reçoit, quand je me rends compte du nombre de personnes qui font des choses spécifiquement pour le salon, je me dis, OK, ben, ça c'est utile. Puis quand je vois aussi tous les consommateurs qui viennent, puis qui viennent pour acheter des choses, pas juste comme pour regarder, je me dis, ben, tant mieux qu'ils dépensent de l'argent à cet endroit-là plutôt que dans les centres d'achat. Alors, ben, c'est donc le 8 et le 9 décembre, samedi et dimanche, à l'église Saint-Jean-Baptiste, le Salon Nouveau Genre 8. Olivier Bérard-Vidal, merci beaucoup. Merci beaucoup. Et nous, on part avec une dernière pause audio, dernier extrait de donc cet album Maku Nuchi Bento. On écoute Juboko. Thank you. Et voilà, avant de terminer l'émission, petit regard sur l'agenda. Tout d'abord, un vernissage cette semaine, c'est vendredi le 7 décembre en formule 5 à 7. Vernissage à regard de l'exposition de Pascal Asselin et Joël Paquet, 8163 kilomètres. Une exposition éclair, en fait, qui se terminera le 16 décembre. Alors ça, c'est vendredi. Et sinon, il y a plusieurs expositions également qui se poursuivent dans les différents centres d'artistes et galeries de Québec. Mentionnons notamment à vue en architecture qui se poursuit à la Chambre Blanche, on en a parlé, Miguel Monroy. Vous avez également au Musée national des beaux-arts du Québec, toujours les arts en Nouvelle-France, art et nature au Moyen-Âge, ainsi que la cité performative de Stéphane Gillot. À la bande vidéo, c'est Make Way Feu avec paysage à souffle jusqu'au 9 décembre. Donc ça, c'est une de celles qui se termine cette semaine avec également l'exposition de Yannick Nolin à l'établi Thébaïde, qui elle se termine le 8 décembre prochain. Sinon, vous avez aussi quelques expositions qui se terminent le 16. Outre à la Chambre Blanche et à vue, il y a également à Materia Elisabeth Picard avec structure modulaire, flow et construction 3. Et selon ce qu'Anouk Desloges nous disait tout à l'heure, ben avoir peut-être dans la même lignée que celle de Miguel Monroy à la Chambre Blanche, une communauté dans les topics abordés. À la CERT, vous avez Francine Simonin qui est là jusqu'au 23 décembre. Et enfin, à la Maison Amel Bruno, l'ATSA 10 ans d'urgence qui se termine le 16 décembre. Alors voilà, nous, ce qui conclut cette édition de l'aérospatiale. Évidemment, on sera de retour la semaine prochaine à compter 17h30, avec notamment un regard sur les arts au Nigeria et sur l'exposition qui est en cours au lieu. Alors, un grand merci à Jacques Gignac à la mise en onde. Je m'appelle Raymond Poirier, ça a été un plaisir d'être avec vous cette semaine, et je vous dis à la semaine prochaine. Et dans quelques instants, Gilles Chaumel et l'émission Folk d'Amérique, ici au 89.1 CKRL.